when we practice Vipassana meditation, we must understand. When we note an object, we must understand clearly, thoroughly, from the beginning to the end. Sampajana, la claire compréhension. Lorsque nous pratiquons la méditation Vipassana, nous devons réussir à comprendre. Nous devons noter les différents objets et les voir clairement, à fond, du début à la fin. Si l'esprit est capable de noter attentivement, il pourra suivre l'objet. Il le verra alors clairement, à fond. Voir à fond, cela veut dire que l'esprit ne pense pas, ne s'éparpille pas au moment où il observe. Hier, je vous ai expliqué les quatre types de bhikkhus selon les Écritures. Nous devons prendre exemple sur le quatrième type, le bhikkhu qui est attentif lorsqu'il se rend au village et qui est attentif lorsqu'il en revient. Aujourd'hui, je vais poursuivre mon enseignement sur Sampajanya. Le Bouddha explique comment il faut appliquer Sampajanya. Lorsqu'il effectue un mouvement vers l'arrière, le yogi doit appliquer la claire compréhension. Ces instructions sont donc très simples. Le yogi doit être attentif au moment où il effectue un mouvement vers l'avant. Il doit être attentif au moment où il effectue un mouvement vers l'arrière. Vous qui êtes ici, vous pratiquez la marche en suivant ces instructions du Bouddha. Vous vous choisissez une piste de marche que vous allez parcourir de long en large. Vous ne marchez pas n'importe où, n'importe comment. Notre bienfaiteur, feu le vénérable Mazi Sayadaw, nous donne des instructions pour la marche, et ces instructions ne sont pas les siennes à proprement parler, elles sont en fait celles du Bouddha. Lorsque le méditant pratique la marche, il doit commencer par faire une note à chaque pas. Il note, pas gauche, pas droit. Il note très attentivement. Il doit maintenir le corps bien droit, ainsi que la tête. De la même façon qu'en posture assise, il a dû se trouver une posture correcte. La tête ne doit pas pencher vers l'avant lorsqu'on marche, sans quoi on aurait des maux de tête. Il faut garder le regard dirigé vers le bas, à 2 ou 3 mètres devant soi. Il faut fixer son esprit sur les pieds. Il faut éviter de balancer les bras. Ils doivent être maintenus soit dans le dos, soit devant l'abdomen, soit croisés. Et il faut noter, pas gauche, pas droit, jusqu'à ce qu'on ait atteint la fin de la piste de marche. Lorsqu'on note pas droit, on est conscient que le pied droit s'avance. Lorsqu'on note pas gauche, on est conscient que le pied gauche s'avance. C'est cela, noté avec précision. Si vous pensez que votre esprit est éparpillé, vous ne pourrez pas voir tout cela. Essayez de suivre chaque pas. Ne permettez pas à votre esprit de s'échapper. Ceci est très difficile. Pour y arriver, il faudra fournir un puissant effort. Fournir un puissant effort, c'est faire en sorte que l'on note très attentivement. Si vous ne le faites pas, votre esprit ne pourra pas rester fixé sur l'objet, parce que l'esprit est très rapide et va s'échapper. Arrivé à la fin de la piste de marche, vous devez noter debout, debout, très attentivement. Observez la posture debout. Répétez 2 ou 3 fois mentalement, debout, debout. Ensuite, tournez. Vous observez attentivement le mouvement de rotation tout en répétant, tournez, tournez, jusqu'à ce que vous vous retrouviez devant votre piste de marche. Vous notez alors une fois de plus la posture debout, vous répétez plusieurs fois, debout, debout. Ceci, c'est faire une note à chaque pas. Lorsque vous marchez, Il est possible qu'à certains moments, vous ayez envie de vous gratter, par exemple, parce qu'il y a une démangeaison, ou de regarder quelque chose. À propos de regarder, il vaut beaucoup mieux garder le regard dirigé vers le bas et ne pas regarder. Ne pas s'intéresser à ce qui se passe autour de soi. Mais parfois, vous devrez inévitablement regarder. Vous devez alors vous arrêter et faire tout cela très attentivement. Vous notez, se gratter, ou bien regarder, regarder. Et ensuite seulement, vous reprenez la marche. Lorsqu'on marche, il faut essayer de ne faire que cela. S'il devait vous arriver de faire un autre mouvement, vous devez vous arrêter, et lorsque vous avez fini de faire ce mouvement, vous recommencez à marcher attentivement. Lorsque vous marchez, il est possible que par moments vous vous mettiez à penser. Vous devez alors vous arrêter de marcher et répéter mentalement « pensez ». Pensez, et ensuite, lorsque la pensée s'est arrêtée, vous reprenez la marche. Mais si les pensées sont très fugaces et assez fréquentes, il vaut mieux ne pas s'arrêter, mais intensifier son observation des pieds. Car si vous vous arrêtez trop souvent, votre samadhi ne va pas bien se construire. Vous pourrez voir par vous-même si, oui ou non, vous réussissez à suivre attentivement ces deux pas, le pas gauche et le pas droit, sans penser. Si vous avez réussi à noter pas gauche, pas droit, sans trop penser, sur toute la longueur de la piste, la confiance va se manifester. Ce n'est pas facile d'y arriver, mais vous devez constater que vous y êtes arrivé. Vous avez réussi à noter pas gauche et à voir que le pied gauche s'avance au moment où vous notez pas gauche. Vous avez réussi à voir que le pied droit s'avance au moment où vous notez pas droit. Si vous êtes très attentif, au moment où vous notez ainsi pas gauche, pas droit, il n'y aura aucune pensée dans votre esprit. Il n'y aura aucune anxiété. Votre esprit sera calme. Vous êtes capable de voir le mouvement et la conscience du mouvement. C'est le moment alors de passer à la deuxième méthode et de faire deux notes à chaque pas. Vous notez attentivement, levez, placez. Lorsque vous en êtes arrivé là et que vous faites donc deux notes à chaque pas, vous allez également atteindre la fin de la piste de marche et noter la station debout et le fait de tourner comme précédemment. Faites deux notes à chaque pas et que vous notez donc lever, placer, votre attention est devenue plus forte. Vous êtes capable de voir le mouvement vers le haut lorsque vous notez lever et de voir le mouvement vers le bas lorsque vous notez abaisser. Si vous étiez distrait, qu'il y avait beaucoup de pensées, vous ne verriez pas tout cela. Votre attention s'est donc renforcée. Il peut même arriver que certains yogis voient l'intention de lever le pied avant de faire le mouvement et qu'ils voient l'intention de placer le pied avant que le mouvement n'ait lieu. C'est pour les aider à percevoir cette intention qu'on demande aux yogis de noter au début l'intention de lever le pied. Il note deux ou trois fois « intention de lever, intention de lever ». Ensuite, il lève le pied et observe attentivement le mouvement d'élévation. Et lorsqu'ils vont placer le pied, l'abaisser, ils observent le mouvement d'abaissement du pied, mais ne notent pas l'intention à ce moment-là. Au début, nous commençons donc par noter « pas gauche, pas droit ». Ensuite, nous passons à la deuxième méthode et nous notons « lever, placer ». Et enfin, nous notons « intention de lever, lever, placer ». Si vous pouvez noter de cette façon très attentivement, votre attention va devenir puissante. Lorsque l'attention sera devenue puissante, il ne faudra plus noter délibérément l'intention avant d'effectuer le mouvement, car vous serez en mesure de la voir spontanément. L'esprit est très rapide et cette intention, vous la verrez juste avant de passer au mouvement. Avant de placer le pied sur le sol, de l'abaisser, vous verrez également l'intention qui précède ce mouvement. Vous disposez dorénavant de la force de l'attention. Lorsque votre attention sera devenue très forte et que vous pourrez observer très attentivement les phases du pas, vous pourrez voir votre esprit. Vous verrez les pensées au moment précis où elles se manifestent. Vous aurez alors le contrôle de votre esprit. Vous ne lui permettrez pas de s'évader. C'est le moment alors de passer à la troisième méthode et de noter lever, avancer, placer. Vous verrez également spontanément les intentions. C'est comme cela que l'attention se développe par la pratique de la marche attentive. Plus vous êtes attentif, plus vous voyez les différentes phases du pas. Vous les voyez très clairement. Vous notez lever, et au moment où vous notez lever, vous voyez très clairement le talon qui décolle du sol. Vous voyez ensuite le pied qui s'élève. Vous ne notez pas nécessairement que c'est le talon qui s'élève, que c'est le pied qui s'élève, mais vous ressentez ces choses. Vous êtes également capable de noter l'intention. L'esprit est très rapide, mais vous voyez l'intention qui est présente avant que le mouvement d'avancement n'ait lieu. Vous voyez l'intention avant que le mouvement d'abaissement n'ait lieu. Au moment où le pied touche le sol, vous êtes capable de ressentir des sensations, que ce soit dans les orteils ou dans le talon. Ensuite, le poids du corps va passer sur le pied et vous ressentez une sensation de pression à la plante du pied. Même si vous ne notez pas délibérément lever, presser, etc., vous voyez très clairement ces choses, vous les ressentez, parce que vous êtes très attentif. S'il dispose donc de la qualité de l'attention ininterrompue, le yogi va réussir à voir clairement, à fond, au moment où il lève le pied, au moment où il l'avance et au moment où il l'abaisse. Son esprit est capable de suivre ses mouvements de façon très précise et de les suivre du début à la fin. Ce yogi voit clairement à fond. Au moment de l'entretien, certains yogis ont expliqué comment ils avaient réussi à voir clairement au moment de la marche. Ils n'ont pas dit « j'ai réussi à voir clairement ». Ils ont tout simplement décrit leur méditation en marche et donc ont permis de voir qu'ils observaient et qu'ils voyaient très clairement. Au début, vous marchez donc sur la piste de marche et vous notez pas gauche, pas droit. Au moment où vous notez pas gauche, pas droit, vous ressentez le mouvement, mais en même temps, l'image du pied qui s'avance vous vient à l'esprit. Lorsque vous en serez arrivé à faire 3 notes à chaque pas et que votre attention se sera développée et que vous noterez les différentes phases du pas, vous pourrez suivre très attentivement le mouvement, vous pourrez ressentir clairement la sensation de mouvement, et l'image du pied qui s'élève, qui s'avance et qui s'abaisse ne vous apparaîtra plus dans l'esprit. Lorsque vous faites une note à chaque pas, vous êtes capable de suivre le mouvement et vous comprenez qu'il n'y a jamais que le mouvement lui-même et l'esprit qui note. Vous voyez qu'il n'y a en vous que 2 choses, l'esprit et la matière, le mouvement et la prise de conscience. Vous serez satisfait de votre pratique parce que vous avez compris. Lorsque vous en serez arrivé à faire 2 notes à chaque pas, vous verrez clairement, à fond, non seulement le mouvement, mais également l'intention. Vous comprendrez, vous verrez, que si le mouvement d'élévation du pied a lieu, c'est parce qu'il y a eu au préalable l'intention. Si le mouvement d'avancement du pied a lieu, c'est parce qu'il y a eu au préalable l'intention. Et si le mouvement d'abaissement a lieu, c'est parce qu'il y a eu au préalable l'intention. Vous comprenez clairement, à fond, les causes et les effets. Ces différents mouvements, lever, avancer, abaisser, ne se fondent pas l'un dans l'autre. Ils s'arrêtent chaque fois. Le yogi voit clairement cet arrêt. Il voit que le mouvement d'élévation du pied s'arrête, que le mouvement d'avancement du pied s'arrête également, que le mouvement d'abaissement s'arrête. À chaque instant, le yogi est capable de voir cet arrêt. Et ce yogi ne verra pas seulement le mouvement physique. Lorsqu'on dispose de la force de l'attention, on est capable de voir l'esprit également. Le yogi qui donc dispose de la force de l'attention verra clairement la succession des intentions qui précèdent chaque fois le mouvement. Il verra une succession d'intentions et une succession de mouvements. Si vous développez votre attention, que vous l'emmenez avec vous pendant toute la séance de la marche, vous ferez disparaître les doutes. Les doutes à propos de savoir qui marche, pourquoi la marche a-t-elle lieu. Vous n'aurez plus de doutes à ce sujet, car vous verrez qu'il n'y a personne à l'intérieur de vous qui contrôle ces choses, personne qui ordonne quoi que ce soit. Il n'y a que l'intention et le mouvement. À cause de l'intention de lever le pied s'élève. À cause de l'intention d'avancer le pied s'avance. À cause de l'intention d'abaisser le pied s'abaisse. Vous avez éliminé les doutes. Vous voyez donc l'intention. Vous voyez que quand l'intention de lever le pied est présente, le pied s'élève. Vous voyez que s'il n'y a pas l'intention de lever le pied ne s'élève pas. Mais pour voir l'intention, il faut que l'esprit soit très concentré et très attentif. Si l'attention n'est pas assez forte, il n'est pas possible de voir l'intention. Vous voyez donc que c'est l'intention qui propulse le pied. Vous comprenez comment la marche se produit. À cause de l'intention, le mouvement d'élévation du pied a lieu. Le pied, c'est l'élément air. L'esprit amène un mouvement de l'élément air qui va lui-même pousser le pied vers le haut. Il n'y a donc en vous que deux choses, l'esprit et la matière. Vous voyez et notez attentivement le pas gauche, le pas droit, sans penser. Et vous voyez clairement le changement. Après avoir noté pas droit, vous voyez que le mouvement s'arrête. Ensuite, le mouvement suivant va commencer, le mouvement du pas gauche. Vous voyez que ces mouvements se succèdent sans fin. Vous voyez le changement. Votre attention va encore se renforcer et vous allez passer à la deuxième méthode et faire deux notes à chaque pas et ensuite à la troisième méthode et faire trois notes à chaque pas. Vous verrez chaque fois les intentions et ensuite, les mouvements. L'intention de lever le pied et ensuite le mouvement d'élévation. L'intention d'avancer le pied et ensuite le mouvement d'avancement. L'intention de placer le pied et ensuite le mouvement d'abaissement. Ici également, vous voyez les changements successifs. Plus vous êtes attentif, plus vous voyez qu'à l'intérieur d'un seul mouvement de lever, il y a en fait une succession de petits mouvements d'élévation. Si vous êtes très attentif, vous pourrez voir tous ces changements. Vous verrez anicca, l'impermanence. Lorsqu'on pratique vipassana, il faut réaliser le changement. Le changement, c'est l'enseignement du Bouddha. Le Bouddha annonce que tout est anicca. Ce corps est anicca. Il est dukkha, insatisfaisant, il est anatta, incontrôlable. Le Bouddha a vu tout cela très clairement au moment où il atteint l'illumination et l'omniscience. Nous sommes, quant à nous, des Putujana, des êtres ordinaires, qui ne sommes pas encore illuminés, et nous devons donc pratiquer en suivant les instructions du Bouddha pour réussir à voir Anicca. Si vous êtes très attentif, vous verrez Anicca, votre confiance Sadda va se développer et vous croirez en la personne du Bouddha, en son enseignement, le Dhamma, et en ses nobles disciples, la Sangha. Si vous voyez clairement, à fond, votre compréhension sera devenue excellente. Vous croirez en la personne du Bouddha, dans son enseignement, le Dhamma, et dans ses nobles disciples, la Sangha. Ceci, c'est ce qui fait la différence entre un pratiquant et un non-pratiquant. Le non-pratiquant ne voit pas clairement. Il ne sait rien. Il n'est pas capable d'aller au-delà des concepts. Lorsqu'il marche, il pense que c'est lui qui marche. Il ne voit pas, il est incapable de noter, lever, avancer, abaisser. Le pratiquant, par contre, observe attentivement au moment où il marche et voit qu'il n'y a à l'intérieur de lui aucun « je », aucun « tu », aucune entité qui contrôlerait quoi que ce soit. Il ne voit à l'intérieur de lui que des phénomènes physiques et des phénomènes mentaux qui se succèdent à chaque instant. Il voit le changement qui s'opère à chaque instant. Ceci, c'est Samadhi, la compréhension juste. May you be well, happy and peaceful. May you be able to practice meditation diligently. May you understand the Dhamma clearly as they really are, then attain Nibbana. Nous en resterons là pour aujourd'hui. Puissiez-vous tous être heureux et en paix. Puissiez-vous tous être capables de méditer de façon diligente. Puissiez-vous tous comprendre clairement le Dhamma et réaliser Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.